Section 4. Rancé va quitter Chambord. Il faut donc que je quitte aussi cet asile où je crains de m'être trop oublié. Je vais retrouver la Loire, non loin du parc abandonné. Elle ne voit point la désolation de ses bords. Les fleuves ne s'embarrassent point de leurs rives. Ne demandez pas à la Loire le nom des Guises, dont elle a pourtant roulé les cendres. À 150 lieues d'ici, je rencontrai, il y a 8 mois, en terre étrangère, près du jeune orphelin, monsieur le duc de Lévis, fidèle héritier du compagnon de Simon de Montfort. Mirepoix était maréchal de la foi, titre qui semble avoir passé à son dernier neveu. J'ai retrouvé aussi madame la duchesse de Lévis, qui porte le grand nom d'Aubusson. Elle aurait pu écrire l'histoire de Philippe-Hélène si elle n'avait des malheurs moins romanesques à pleurer. Je n'étais pas, dans mon dernier voyage à Londres, reçu dans un grenier de Holborn par un de mes cousins émigrés, mais par l'héritier des siècles. Cet héritier se plaisait à me donner l'hospitalité dans les lieux où je l'avais si longtemps attendu. Il se cachait derrière moi comme le soleil derrière des ruines. Le paravent déchiré qui me servait d'abri me semblait plus magnifique que les lambris de Versailles. Henri était mon dernier garde-malade. Voilà les revenants bons du malheur. Quand l'orphelin entrait, j'essayais de me lever, je ne pouvais lui prouver autrement ma reconnaissance. À mon âge, on n'a plus que les impuissances de la vie. Henri a rendu sacrées mes misères. Tout dépouillé qu'il est, il n'est pas sans autorité. Chaque matin, je voyais une Anglaise passer le long de ma fenêtre. Elle s'arrêtait, elle fondait en larmes aussitôt qu'elle avait aperçu le jeune Bourbon. Quel roi sur le trône aurait eu la puissance de faire couler de pareilles larmes? Tels sont les sujets inconnus que donne le malheur. À peine retourné de Chambord, un courrier dépêché de Blois vint apprendre à Rancé la maladie du duc d'Orléans. L'abbé se remit en route. Gaston était en danger. Ce prince, si peu digne à Castelnaudary de la valeur du Béarnais, le parleur de la Fronde, ne trouva pas un mot sur ses lèvres à dire à la mort. Un spectre se tenait debout au pied de son lit. Montmorency, sans tête, lui demandait le talion. Rancé écrivit à Arnaud d'Andilly la lettre qu'on va lire et que je dois encore à la politesse de monsieur de Montmerquet. Blois, 8 février 1660. Je n'aurois pas été tant de temps sans avoir l'honneur de vous écrire si la maladie et la mort de monsieur ne m'en avoient empêché. Je vous avoue que, l'ayant assisté autant que je l'ai pu dans les derniers moments de sa vie, je suis tellement touché d'un spectacle si déplorable que je ne puis m'en remettre. On a cette consolation qu'il est mort avec tous les sentiments et toute la résignation qu'un véritable chrétien doit avoir en la volonté de son Dieu. Il reçut notre Seigneur dès le commencement de son mal, et eut le soin lui-même de le demander une seconde fois pour viatique avec de grandes démonstrations d'une foi vive et d'un parfait esprit des choses du monde. Quelle leçon, monsieur, pour ceux qui n'en sont pas détachés et pour ceux qui sont persuadés de son néant et qui travaillent pour s'en déprendre. Ce pauvre prince dit le matin du jour de sa mort ces mêmes mots. Domus mea domus desolationis. Et comme on lui voulut dire qu'il n'estoit pas si mal qu'il pensoit, il répliqua « Solum mihi superest sepulchrum ». Ensuite, il demanda l'extrême onction et dit qu'il estoit résolu à la volonté de Dieu. Enfin, je suis persuadé qu'il lui a fait miséricorde. Je ne puis vous mander les circonstances de sa mort. J'écris de Blois, malade d'un rhume qui me cause une oppression qui m'empêche d'écrire. Je vous supplie de demander à Dieu et de lui faire demander pour moi qu'il me fasse la grâce de retirer tout le bien et l'avantage que je dois d'une rencontre aussi touchante que celle-là l'est. Je reviens à la mort de ce pauvre prince. La désolation qui parut dans sa maison, qui retentit soit de plaintes et de gémissements au moment de sa mort, l'esprit humain qui ne saurait rien figurer de si pitoyable, je confesse que j'en suis accablé de douleur. Rancé se montra dans cette occasion si touchant que chacun faisait des vœux pour la voir auprès de soi au moment suprême. On croyait ne pouvoir bien mourir qu'entre ses mains, comme d'autres y avaient voulu vivre. Gaston avait à peine rendu le dernier soupir que ses familiers l'abandonnèrent. Rancé fut laissé presque seul auprès du cadavre. Il ne suivit pas le corps du prince à Saint-Denis, mais il présenta le faible cœur de Gaston aux jésuites de Blois. Le cœur intrépide de Henri IV avait été porté aux jésuites de la Flèche. Le Bouthillier courut ensuite s'ensevelir au Mans, y demeura caché 2 mois. Il changea même de nom, comme s'il eût craint d'être reconnu et arrêté aux portes du ciel. Le projet qu'il méditait depuis longtemps de soumettre sa conduite future au conseil des évêques d'Alette et de Comminges lui revenait dans l'esprit. Il se résolut de l'accomplir. Le 21 juin 1660, il écrivit à la mère Louise « Je pars demain à l'insu de tous mes amis ». Il arriva à Comminges le 27 du même mois. Après un tremblement de terre, ce fut de même que j'arrivai à Grenade en rêvant de chimères, après le bouleversement de la Véga. L'évêque de Comminges était absent, Rancet l'attendit. Quand il revint, l'évêque commença une tournée diocésaine. Rancet l'accompagna. Ils trouvèrent dans les cavernes environnantes des chrétiens qui avaient à peine figure humaine. L'évêque soulageait leur misère, les rassemblait, s'asseyait au milieu d'eux, parmi les buis des rochers. L'abbé de Rancé était touché lorsqu'il songeait que le bon pasteur avait ainsi cherché les brebis égarées. Un jour, il se promenait seul, avec l'évêque, dans un endroit fort solitaire, d'où l'on découvrait les plus hautes Pyrénées. L'évêque remarqua, j'emprunte le récit de Marsollier, que l'abbé parcourait des yeux les montagnes avec une attention qui le rendait distrait. Il y soupçonna du mystère. Ce fut ce qui l'obligea de lui dire qu'il avait la mine de chercher un endroit où il pût bâtir un ermitage. L'abbé rougit, mais comme il était sincère, il avoua que c'était en effet sa pensée et qu'il croyait qu'il ne pouvait rien faire de mieux. « Si cela est, repartit l'évêque, vous ne pouvez mieux vous adresser qu'à moi. Je connais ces montagnes, j'y ai passé souvent en faisant mes visites. Je sais des endroits si affreux et si éloignés de tout commerce que, quelque difficile que vous puissiez être, vous aurez lieu d'en être content. » L'abbé, qui croyait que l'évêque parlait sérieusement, le pressa avec cette vivacité qui lui était naturelle de lui faire voir ces endroits. « Je m'en garderai bien, » reprit l'évêque. Ces endroits sont si tentants que si vous y étiez une fois, il n'y aurait plus moyen de vous en arracher. » Après avoir visité l'évêque de Comminges, Rancé retourna chez l'évêque d'Alette. « Sa demeure est affreuse, » écrivait Rancé, « et entourée de hautes montagnes, au pied desquelles est un torrent qui court avec beaucoup de bruit et de rapidité. Ces endroits de nos anciennes mœurs reposent. On aime à assister aux conversations de l'abbé de Rancé sur la légitimité des biens qu'on peut ou qu'on ne peut pas retenir, sur ce qu'il est permis de garder, sur ce qu'on est obligé de rendre, sur le compte de ces richesses que l'on doit à Dieu. Ces scrupules de conscience étaient alors les affaires principales. Nous n'allons pas à la cheville du pied de ces gens-là. L'homme était estimé, quelle que fût sa condition. Le pauvre était pesé avec le riche, au poids du sanctuaire. Cette égalité morale lui servait à supporter les inégalités politiques. Bruno, sur les Alpes, Paul, dans la Thébaïde, ne voulurent pas plus sortir de leur retraite que Rancé n'aurait voulu quitter les Pyrénées. Mais ces dernières montagnes avaient un danger. Le soleil en était trop éclatant et de leur sommet on découvrait les séjours d'Ignès et de Chimène. Longtemps après le voyage de Rancé, une chevrière âgée de 12 ans, conduisant ses biques dans la paroisse d'Allan, diocèse de Comminges, tomba en s'écriant « Jésus !» Une dame, vêtue de blanc, lui apparut, lui dit « Ne craignez rien !» et elle la tira du précipice. La petite fille dit à la Sainte Vierge, c'était elle, qu'elle avait perdu son chapelet. La Sainte Vierge lui en donna un, en lui recommandant d'ordonner à un prêtre de faire bâtir une chapelle au lieu où elle était tombée. L'évêque de Comminges, ancien hôte de Rancé, en écrivit à la Trappe. Rancé, du fond de son abbaye, conseilla l'érection d'une chapelle dédiée à Notre-Dame de Saint-Bernard, dont les ruines marquent aujourd'hui le premier pas de Rancé dans la solitude. L'évêque de Comminges et l'évêque d'Alette avaient combattu au commencement les desseins extrêmes de Rancé. Il lui conseillait cette médiocrité, caractère de la vertu. « Vous, disait-il, vous ne pensez qu'à vivre pour vous. L'évêque d'Alette approuvait que Rancé se défie de sa fortune, mais il s'opposait à son penchant pour la solitude. Ce penchant, répétait-il, ne vient pas toujours de Dieu. Il est souvent inspiré par un dégoût du monde, dégoût dont le motif n'est pas toujours pur. Convaincu en ce qui regardait le danger des biens, l'abbé ne se rendait pas également sur le point du désert. Il cédait à l'égard de l'abandon de ses bénéfices. Il convenait qu'un abbé commendataire n'était pas dans l'esprit de l'Église. Mais il n'entendait parler qu'avec terreur d'une abbaye régulière. Il s'était souvent écrié « Moi, me faire Frocard ?» Il témoignait de ses perplexités en écrivant à ses amis « Mes embarras extérieurs sont les moindres embarras de ma vie. Je ne puis me défendre de moi-même. » Tout est fragile. Après avoir vécu quelque peu, on ne sait si l'on a bien ou mal vécu. L'évêque d'Alette se maintint d'abord dans les opinions qui lui avaient mérité l'attachement de Rancé. Il se souvenait d'avoir causé avec le futur solitaire à 300 pas de la maison de l'évêque, au bord d'un gave, de même que les vieillards de Platon s'entretenaient des lois sur la montagne de Crète. Baisser le ton de la lyre, changer les interlocuteurs, et le souffle du même torrent vous apportera des paroles qui seront remplies d'autres chimères. L'évêque d'Alette persévéra plusieurs années dans les saines doctrines. Puis arriva le moment fatal. Madame de Saint-Loup en écrivit à Rancé le 29 janvier 1697. Rancé, qui penchait vers sa fin, n'eut d'autre soulagement que de pleurer. L'évêque d'Alette céda au docteur Arnaud et à monsieur de Vaucelles, théologal d'Alette. Il se retira dans les Pays-Bas et fut envoyé obscurément à Rome par ses coreligionnaires sous le nom de Valoni. L'infidélité avait perdu sa grandeur. Arius ne tombait plus du milieu du concile de Nicée, entraînant avec lui une partie de la chrétienté. À Verrette, où il revenait toujours, Rancé vit conjurer contre lui une famille nombreuse, des amis mécontents, des domestiques désolés. En voulant se réduire à la pauvreté, il éprouvait les difficultés qu'on rencontre à s'enrichir. On ne pouvait savoir ce qui le poussait, car depuis la mort de Madame de Montbazon, jamais le nom de cette femme, excepté dans son premier désespoir, n'était sorti de sa bouche. On sentait en lui une passion étouffée qui jetait sur ses moindres actions l'intérêt d'un combat inconnu. Ses souvenirs de la terre étaient une haine de la vie, devenue chez lui une véritable obsession. Sa désespérance de l'humanité ressemblait au stoïcisme des anciens, à cela près qu'il passait par le christianisme. Les platoniciens de l'école d'Alexandrie se tuaient pour parvenir au ciel. Mais que de souffrance pour une pauvre âme lorsqu'elle se débat dans cet état. Elle éprouve les divers mouvements du suicide, incertitude et terreur, avant qu'elle ait pris sa résolution. « Je vous avoue, dit l'abbé de la Trappe dans ses lettres, que je ne vois plus un seul homme du monde avec le moindre plaisir. Il y a tantôt 6 ans que je ne parle que de dégagement et de retraite, et le premier pas est encore à faire. Cependant, le cours de la vie s'achève, et l'on se réveille à la fin du sommeil, et l'on se trouve sans œuvre. Je désire tellement d'être oublié qu'on ne pense pas seulement que j'ai été. » Il vendit sa vaisselle d'argent, il en distribua le montant en aumône, se reprochant les retards qu'il avait mis à secourir les nécessiteux. Il avait 2 hôtels à Paris, dont l'un s'appelait l'hôtel de Tours. Il les donna à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital Général, par acte passé devant les notaires Lemoine et Thomas. Pour dernier sacrifice, il se défit de la terre de Verrès, mais par un reste de faiblesse, il accorda la préférence aux offres d'un de ses parents. Ce parent ne put réaliser la somme, et le marché fut rétrocédé à l'abbé Défiat, favori de Ninon. Les 100 000 écus que Rancé reçut de la vente furent à l'instant portés aux administrations des hôpitaux. On lit des lettres modernes datées de Verrès. Qui a osé écrire de ce lieu après le gigantesque pénitent? Dans les bois de Larçay, jadis propriété de Rancé, dans les parcs de Montbazon, parmi des noms qui rappelaient une ancienne vie, le 11 avril 1825, on trouva un cadavre. Le 10 d'avril, le jour finissant, une voix fut entendue. « Je suis un homme mort. » Une jeune fille cachée avec son amant dans de hautes bruyères avait été témoin d'un meurtre. D'un autre côté, à demi vêtue, la veuve de Courrier, c'était lui dont on avait retrouvé le cadavre, âgée de 22 ans, descend la nuit parmi des personnages rustiques comme une ombre délivrée. Les opinions de Courrier à Vérès avaient réduit son intimité à des rivalités inférieures. Chagrin qui n'intéresse personne, gémissements qui vont se perdre dans l'océan muet qui s'avance sur nous. Peut-être quelque grive redit-elle l'acte tragique dans les bois où Rancé avait promené ses misères. Courrier avait écrit dans sa gazette du village « Les rossignols chantent et l'hirondelle arrive ». Enfant d'Athènes, il transmettait à ses camarades le chant du retour de l'hirondelle. Courrier, savant helléniste, esprit tumultueux, pamphlétaire à cheval, avait eu le malheur à Florence de tacher d'encre un feuillet de Longus. Ensuite, l'éditeur d'un passage perdu de Daphnis et Chloé était venu s'ensevelir dans les lieux qu'avait habités l'éditeur d'Anacréon. Si les arbres sous lesquels fut tué Courrier existent encore, qu'est-il resté dans ces ombrages? Que reste-t-il de nous, partout où nous passons? Paul-Louis Courrier aurait-il cru que l'immortalité pouvait porter la haie et se rencontrer dans les larmes? Le réformateur de La Trappe a grandi à Vérès. L'auteur du pamphlet des pamphlets a diminué. La vie, dans sa pesanteur, descendit sur un esprit qui s'était dressé pour morguer le ciel. Chose remarquable, Courrier, le philosophe, a fait ses adieux au monde par les mêmes paroles que Rancé, le chrétien, avait perdues dans les bois. « Détourné de moi le calice, la ciguë est amère. » Vérès, au milieu du XVIIIe siècle, était la possession du duc d'Aiguillon, ministre de Louis XV. Ce ministre de perdition, comme tous les hommes d'alors, y fit imprimer à 5 ou 7 exemplaires le recueil des pièces choisies, pages obscènes et impies, de Madame la princesse de Conti. Le château de Vérès fut démoli pendant la Révolution. Piscine de sang où se lavèrent les immoralités qui avaient souillé la France. À Vérès et à La Trappe, Rancé a laissé ses deux parts. À Vérès, la légèreté, l'irréligion, les mauvaises mœurs, suivies d'une destruction complète. À La Trappe, la gravité, la sainteté, la pénitence qui ont survécu à tout. Après la vente de Vérès, Rancé se défit de ses bénéfices. Il ne se réserva qu'une retraite malsaine pour y mourir, La Trappe. Lorsque Louis XIV prit les rênes de l'État, la France se divisa. Les uns allèrent combattre l'étranger, les autres se retirèrent au désert. 3 solitudes demeurèrent en présence, la Chartreuse, La Trappe et Port-Royal. À l'abri derrière ses guerriers et ses anachorètes, la France respira. Le XVIIIe siècle a voulu effacer Louis XIV, mais sa main s'est usée à gratter le portrait. Napoléon est venu se placer sous le dôme des Invalides comme pour assurer la gloire de Louis. On a eu beau faire des tableaux, les victoires de l'Empire à Versailles n'ont pu effacer les souvenirs des victoires du XVIIe siècle. Napoléon a seulement ramené enchaîné à Louis XIV les rois que Louis XIV avait vaincus. Bonaparte a fait son siècle. Louis a été fait par le sien. Qui vivra plus longtemps de l'ouvrage du temps ou de celui d'un homme? C'est la voix du génie de toutes les sortes qui parle au tombeau de Louis. On n'entend au tombeau de Napoléon que la voix de Napoléon. Avant de nous parler des personnages qu'elle met en scène, la Grèce nous introduit sur le théâtre de leurs actions. Prométhée enchaîné s'entretient avec l'océan. Les 7 chefs devant Thèbes jurent sur un bouclier noir. Les Perses pleurent à l'apparition de l'ombre de Darius. Œdipe, roi, paraît à la porte de son palais. Œdipe, à Colonne, s'arrête près du bois des Euménides. Prêt à quitter son exil, Philoctète s'écrie « Adieu, doux asile de ma misère !» Les écrivains de la vie des pères du désert, grecs de naissance, ont été fidèles à cet ancien usage. Ils nous montrent Paul, premier ermite, caché sous un palmier, Antoine, premier solitaire, s'enfermant dans un sépulcre, Pacôme, premier instituteur des cénobites, assis sur une pierre à Thébaine. Nous n'irons pas si loin avec Rancé, nous resterons près de Versailles, à 30 lieues des escaliers de marbre de l'orangerie qui n'étaient pas encore souillés de sang, nous trouverons les austérités de la Thébaïde. Et cependant le bruit de la cour nous parviendra comme le murmure des flots du siècle. Qu'était-ce que la Maison Dieu lorsque Rancé s'y retira ? La Maison Dieu s'appelle aujourd'hui la Trappe. Trappe, dans le patois du Perche, signifie degré, vraisemblablement de trappant. Notre-Dame de la Trappe veut donc dire Notre-Dame des degrés. L'abbaye de la Trappe fut fondée en 1122 par Rotrou, second de ce nom, comte du Perche. Rotrou avait fait vœu, en revenant d'Angleterre, que s'il échappait au naufrage dont il était menacé, il bâtirait une chapelle en l'honneur de la Sainte Vierge. Le comte, miraculeusement délivré, pour conserver la mémoire de son aventure, fit donner au toit de son église votive la forme d'un vaisseau renversé. Rotrou III, fils du fondateur, acheva les bâtiments de la chapelle, qui s'était changée en monastère. Rotrou III partit pour la première croisade. Il rapporta de la Palestine des reliques qui furent déposées par son fils dans la basilique nouvelle, à laquelle il ne manqua rien de l'histoire de ses temps, vœux, naufrages, pèlerinages. Louis VII était roi de France, et Saint Bernard, premier abbé de Clairvaux, lorsque l'abbaye de la Trappe fut fondée. Cerlon IV, abbé de Savigny, la réunit à l'ordre de Cîteaux en 1144. Saint-Germain-des-Prés se rebâtissait alors dans Paris. L'abbaye eut pour bienfaiteur Richard Hurel et ses fils, qui lui donnèrent la terre de Vastines. La Trappe fut protégée des papes Alexandre III, Clément III, Innocent III, Nicolas III, Boniface VIII, Jean XXI, Benoît XII. Saint-Louis avait pris sous sa protection Notre-Dame de la Maison Dieu de la Trappe, afin, dit la charte royale, que les religieux soient libres, paisibles, exempts de tout subside. Sint liberi, quieti, exempti ab omnibus subsidiis. Ce grand nom de Saint-Louis se mêle à toutes les origines de la monarchie. Saint-Louis est le fondateur des monuments de l'Europe gothique à compter de Notre-Dame de Paris jusqu'à la Sainte-Chapelle. Par un ancien ménologe et par un relevé des tombes, on suppose 17 abbés, depuis le premier abbé de la Trappe, dont Albode, jusqu'au cardinal du Bellay, premier abbé commendataire sous François Ier en 1526. Don Herbert, abbé, s'étant croisé en 1212 avec Renaud de Dampierre et Simon de Montfort, fut pris par le calife d'Alep et le demeura 30 ans esclave. Délivré enfin, il fonda l'abbaye des Clairets, dans la dépendance de la Trappe. On s'arrête à l'épitaphe du 16e abbé à cause de son nom, Don Robert Rancé. La Gallia Christiana ne fait pas mention de quelques-uns de ces derniers détails. L'abbaye de la Trappe n'était point fortifiée, à l'instar d'autres monastères, de qui les abbés, comme Abbon de Paris, menaient vaillamment les mains. Aussi, pendant les 2 siècles que les Anglais ravagèrent la France, la Trappe fut pillée plusieurs fois, notamment dans l'année 1410. D'après les Pouillé, l'abbaye possédait les terres rouges, les bois de Grimonard, le chemin aux chênes de Beyrouth, les bruyères, les 9 étangs, et les ruisseaux qui en sortent. Par où passait le chemin au chêne de Beyrouth ? D'où venait l'immortalité de ce chêne ? Immortalité qui ne dépassait pas son ombre. Les bruyères s'étendant vers cet horizon sont-elles les mêmes que celles mentionnées au Pouillé ? Je viens de les traverser. Enfant de la Bretagne, les landes me plaisent. Leur fleur d'indigence est la seule qui ne se soit pas fanée à ma boutonnière. Là s'élevait peut-être le manoir de la Châtelaine. Elle consuma ses jours dans les larmes, attendant son mari, qui ne revint point de la Terre Sainte avec l'abbé Herbert. Qui naissait, qui mourait, qui pleurait, ici ? Silence. Des oiseaux, au haut du ciel, volent vers d'autres climats. L'œil cherche dans les restes de la forêt du Perche les campaniles abattues. Il ne reste plus que quelques clochetons de chaume. Bien que Dessing annonce encore la prière du soir, on n'entend plus, à travers le brouillard, retentir cette cloche renommée à Aubrac, la cloche des perdus, qui rappelle les errants, errantes, revocat. Mœurs d'autrefois, vous ne renaîtrez pas ? et si vous renaissiez, retrouveriez-vous le charme dont vous apparaît votre poussière ? Il existe des procès-verbaux connus dans l'ordre des bénédictins sous le nom de carte de visite, c'est-à-dire carte d'inspection. La carte de visite pour l'année 1685 est signée de Don Dominique, abbé du Val-Richer. Elle décrit l'état de la trappe avant la réforme de Rancé. Les portes demeuraient ouvertes le jour et la nuit, et les hommes comme les femmes entraient librement dans le cloître. Le vestibule de l'entrée était si noir qu'il ressemblait beaucoup plus à une prison qu'à une maison Dieu. Ici, il y avait une échelle attachée contre la muraille. Elle servait à monter aux étages, dont les planchers étaient rompus et pourris. On n'y marchait pas sans péril. En entrant dans le cloître, on voyait un toit devenu concave, qui à la moindre pluie se remplissait d'eau. Les colonnes qui lui servaient d'appui étaient courbées, les parloirs servaient d'écurie. Le réfectoire n'en avait plus que le nom. Les moines et les séculiers s'y assemblaient pour jouer à la boule, lorsque la chaleur et le mauvais temps ne leur permettaient pas de jouer au dehors. Le dortoir était abandonné. Il ne servait de retraite qu'aux oiseaux de nuit. Il était exposé à la grêle, à la pluie, à la neige et au vent. Chacun des frères se logeait comme il voulait et où il pouvait. L'église n'était pas en meilleur état. Pavés rompus, pierres dispersées, les murailles menaçaient ruine. Le clocher était près de tomber. On ne pouvait sonner les cloches qu'on ne l'ébranlât tout entier. Il n'y avait d'autres ruisseaux à la trappe que ceux que forment les étangs successifs qui s'élèvent avec le terrain, ni d'autres prairies que les queues des étangs. L'air n'était supportable qu'à ceux qui cherchaient à mourir. Des vapeurs s'élevaient de cette vallée et la couvraient. « Il est malaisé, écrit Rancé à Madame de Guise, que je me tire de mes incommodités à l'âge que j'ai et à l'air que nous habitons. C'était la situation toute seule du pays qu'il s'en faut prendre. Il a plu à Dieu de nous y mettre. » Il savait bien les maux qui nous en devaient naître. Qu'importe où l'on vive, puisqu'il faut mourir. Don le Nain raconte que les esprits impurs faisaient leur séjour dans le monastère et se nourrissaient des excès qui y régnaient. Ils y habitaient par troupes, n'ayant là personne qui les chassât. Don Félibien ajoute la vie à ces descriptions en y faisant voir la renaissance du culte chrétien. On voit d'abord en entrant ces paroles de Jérémie, écrites sur la porte du cloître. « Cedebit solitarius et tacebit ». L'église n'a rien de considérable que la sainteté du lieu. Elle est bâtie d'une manière gothique et fort particulière. Elle ne laisse pas d'avoir quelque chose d'auguste et de divin. Le bout du côté du cœur semble représenter la poupe d'un vaisseau. Ce qui est digne de considération est la manière dont ces religieux font l'office, car vous les voyez d'une voix ferme et d'un ton grave chanter les louanges de Dieu. Il n'y a rien qui touche le cœur et qui élève davantage l'esprit que de les entendre à matine. Leur église n'était éclairée que d'une seule lampe, qui est devant le grand autel. L'obscurité jointe au silence de la nuit fait que l'âme se remplit de cette onction sacrée répandue dans tous les psaumes. Soit qu'il soit assis, soit qu'il soit debout, soit qu'il s'agenouille, soit qu'il se prosterne, c'est avec une humilité si profonde qu'on voit bien qu'ils sont encore plus soumis d'esprit que de corps. Sur une inscription de saint Bernard, placée dans les cloîtres de la trappe, Ducis composa ces beaux vers. « Heureuse solitude, seule béatitude, que votre charme est doux. De tous les biens du monde, dans ma grotte profonde, je ne veux plus que vous. » Qu'un vaste empire tombe, qu'est-ce au loin pour ma tombe, qu'un vain bruit qui se perd? Et les rois qui s'assemblent, et leurs sceptres qui tremblent, que les joncs du désert? Quand l'abbé de Rancé introduisait la réforme dans son abbaye, les moines eux-mêmes n'étaient plus que des ruines de religieux. Réduits au nombre de sept, ce reste de cénobites était dénaturé par l'abondance ou par le malheur. Les moines, depuis longtemps, avaient mérité des reproches. Dès le XIe siècle, Adalbéron déclare qu'un moine est transformé en soldat. En Normandie, un supérieur ayant prétendu admonester ces moines fut flagellé par eux après sa mort. Abélard, qui tenta en Bretagne d'user de sévérité, se vit exposé au poison. « J'habite un pays barbare, disait-il, dont la langue m'est inconnue. Mes promenades sont les bords d'une mer agitée, et mes moines ne sont connus que par leur débauche. » Tout a changé en Bretagne, hors les vagues qui changent toujours.